Votre sélection débutera après cette publicité. Au Québec, les rassemblements extérieurs à la maison de 10 personnes maximum sont maintenant autorisés. Gardez en tête que les mesures comme se tenir à 2 mètres, se laver les mains et tousser dans son coude s'appliquent toujours. Malgré le temps chaud, il faut garder la tête froide, car le virus est toujours présent. Planifiez vos rassemblements de manière sécuritaire. Par exemple, pensez à nettoyer les surfaces communes et à identifier verres et assiettes. Ensemble, on peut tenir tête au virus. On lâche pas, on continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Jacques Parizeau et le référendum du 30 octobre 1995. J'annonce aujourd'hui qu'à la fin de la session parlementaire de l'automne, je libérerai les postes de premier ministre, de président du Parti québécois et de député de l'Assomption que les Québécoises et les Québécois m'ont fait l'honneur de me confier. C'était tout à fait clair que si le oui ne passait pas, alors je partais tout de suite. Et que si le oui passait, eh bien là, je prenais le temps de mettre la locomotive sur les rails, comme on dit. J'ai fait une entrevue avec Stéphane Bureau hier midi, qui, je pense, résume assez bien tout ça. Il y a un embargo dessus, je ne sais pas si l'embargo a été levé. Quand Jacques Parizeau annonce sa démission au lendemain de la défaite référendaire du 30 octobre 1995, tout le monde a encore en tête sa fameuse déclaration de la veille, cette déclaration controversée où le chef du camp du oui a expliqué que c'est l'argent et le vote ethnique qui avaient conduit à la défaite des souverainistes. Et à ceux qui pensent que c'est cette déclaration qui force le chef péquiste à tirer sa révérence, Jacques Parizeau rétorque, vous venez de l'entendre, qu'il n'en est rien, qu'il avait bel et bien l'intention de démissionner en cas de victoire du non et que le journaliste et animateur Stéphane Bureau en a d'ailleurs la preuve dans cette entrevue sous embargo que lui a accordé Jacques Parizeau la veille, le jour même du référendum. Stéphane Bureau est avec nous. Il a accepté de participer à cette série d'émissions spéciales où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler d'histoires qu'ils connaissent bien, d'histoires qu'ils ont carrément vécues. Stéphane Bureau, bonjour. Bonjour. Quel souvenir vous gardez, Stéphane Bureau, de cette entrevue que vous avez réalisée avec Jacques Parizeau le 30 octobre 1995, en début d'après-midi? Un souvenir d'une très, très grande émotion qui est assez difficile à décrire d'ailleurs parce que, et je m'y replonge complètement, j'avais pas entendu ou réentendu les déclarations du premier ministre Parizeau à l'époque. Au lendemain de cette entrevue, quand il nous a annoncé en direct que l'embargo est élevé sur cet exercice, cette interview, je dis exercice parce que c'était dans le cadre d'un projet beaucoup plus long, ouais, de documentaire sur l'éventuel processus d'accession du Québec à la souveraineté et où j'avais convaincu le premier ministre et son entourage de me donner des entrevues à des moments clés. Le premier de ces rendez-vous moments clés était bien entendu le jour du référendum, donc le 30 octobre. Et est-ce que ça a été difficile, Stéphane, de convaincre l'équipe, de convaincre Jacques Parizeau d'embarquer dans ce projet? L'équipe, je pense que j'y serais jamais arrivé et je crois que c'est vraiment M. Parizeau qui a choisi de se commettre devant l'histoire et c'était le sens de mon pitch quand je l'ai approché la première fois là-dessus. Je ne connaissais pas M. Parizeau personnellement, je le connaissais professionnellement. On s'était fréquenté, je dirais pas beaucoup, mais on s'était vu à l'époque où moi j'étais correspondant à Washington. Lui, chef de l'opposition et avec son bâton de pèlerin, de souverainiste, venait à Washington sachant qu'avec Paris, c'était des axes importants dans sa stratégie de reconnaissance du Québec. Donc, il venait faire de la pédagogie, c'est comme ça qu'il appelait ça. Alors, évidemment, les fédéralistes canadiens vous diraient que ce n'était pas un exercice de pédagogie, mais en fait, de son point de vue, c'en était un, et je le comprends parfaitement. Et comme correspondant, donc, j'ai eu affaire à lui, et dans des conditions, je dirais, optimales d'intimité, parce qu'on était moins entourés. Évidemment, il y avait un entourage de journalistes de la colline parlementaire qui l'accompagnait souvent. Mais néanmoins, pour l'essentiel, il y avait de la distance, ce qui fait qu'on a pu parler, on a pu, toujours dans l'exercice de mon boulot de journaliste, mais avec du temps, établir ce qui ressemble peut-être à une relation de confiance. Et c'est sur celle-là que j'ai établi quand je l'ai retrouvé au Québec. J'étais, moi, rentré, j'étais plus correspondant. Et je lui ai proposé donc cette idée, où j'ai dit, écoutez, devant l'histoire, ne pensez-vous pas que vous devez parler à des moments clés, spécialement le jour du référendum, puisque c'est une émotion, c'est une sensation que vous ne pourrez pas transcrire ou que vous ne pourrez pas transmettre plus tard. Et je lui disais, entre autres, en 80, l'évêque ne l'a pas fait. Ouais. Donc, on spécule ouais. sur ce qu'étaient ses conditions, ce qu'il pensait vraiment. Lui-même, d'ailleurs, l'évêque, parce que 4 jours plus tard, on n'est plus dans les mêmes conditions. Ouais. Et c'est sur ça qu'il a dit oui. Témoigner de l'état d'esprit, ce jour historique précis. Puis le contrat, l'entente que vous aviez à l'origine, bon, l'embargo, c'était 2 mois. Vous deviez, ce jour du 30 octobre 1995, faire 3 entrevues avec lui. Oui, on avait dit dans la journée, il y a des moments, il y a des temps forts. Donc, on le voyait pour, je dirais, le morceau central. C'était à son bureau de comté en début d'après-midi. L'entrevue qui existe. C'est l'entrevue qui existe. On a été ensemble presque 1 heure assis. Donc, il a pris 1 heure de cette journée cruciale pour se raconter, et on pourra revenir là-dessus un peu. On l'a revu ensuite ponctuellement au bureau du premier ministre à Hydro-Québec, à Montréal, donc boulevard René-Lévesque, où il préparait la soirée et éventuellement son discours. D'ailleurs, on a des images où Lisée, Jean-François, son conseiller, est en train de préparer un texte pour ça. On n'a pas accès au discours, bien entendu. Et le deal, c'est qu'on se reverra plus tard, à la fin de la soirée. Oui. D'ailleurs, on va s'installer en marge au Palais des congrès, en marge de sa loge, avec nos caméras, pour être prêts à lui parler une oui. ultime fois ce jour-là. C'est un rendez-vous qui sera loupé parce que évidemment. On pourra revenir sur le fil de la journée, mais il choisira de quitter très rapidement. Oui. De ne plus parler à qui que ce soit. Vous l'avez évoqué, mais l'idée était belle. L'un des principaux intérêts de ce documentaire-là, c'est d'être là au moment où ça se passe, ce jour historique. Vous parlez, au fond, au premier ministre du Québec, mais peut-être, on ne sait pas encore, au potentiel père de l'indépendance du Québec l'après-midi du 30 octobre 1995. Commençons par là. Ça faisait partie de l'intérêt de cette entrevue. Dans quel état d'esprit est Jacques Parizeau à ce moment-là? Comment il vit ce jour du référendum du 30 octobre 1995? On écoute tout de suite un extrait de votre documentaire « Parizeau, les dernières heures » présenté au réseau TVA 2 jours après le référendum, puisque l'embargo est levé, 2 jours après le référendum du 30 octobre 1995. Écoutez, c'est exaltant, c'est extraordinaire. Quand on dit qu'on fait l'histoire, c'est ça qu'on veut dire. Est-ce que vous chaussez aujourd'hui la pointure de ceux qui font l'histoire? Ben ça, c'est parce que c'est le sentiment... On détermine jamais ça à soi-même. Je ne sais pas, on peut perdre, on peut gagner là, dans les heures qui viennent... J'espère, je pense qu'on va gagner, mais enfin, on ne sait jamais. J'ai toujours été extraordinairement sensible à l'idée que les choses se font lentement en démocratie et de façon persistante. C'est très rare qu'une décision majeure soit prise rapidement parce que tout le monde, tout à coup, s'est rendu compte que c'est ça qu'il fallait faire. Ça prend du temps. Et là, quand vous avez passé des années et des années et des années, toujours dans le même sens, toujours essayer de faire aboutir les choses, et que le jour où ça aboutit, ben, c'est le jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression... J'ai l'impression de ne pas avoir démérité. Les 4 années, là, les 4 élections, ce qu'on ne voulait pas en 92, et puis le Bloc en 93, puis le Parti québécois au pouvoir en 94, 95, enfin, la décision quant à ce qu'on veut. Oui. J'ai l'impression qu'avec pas mal de gens, on est en train de faire l'histoire autrement qu'avec des fusils, autrement qu'avec de la violence, autrement qu'avec, bon, en fait, tout ce qu'on connaît dans des circonstances analogues. C'est un grand moment pour moi, c'est vrai. Qui est devant vous le 30 octobre 95, Stéphane Bureau? Dans quel état d'esprit il est? On l'entend déjà un peu dans cette entrevue, Jacques Parizeau. Ben déjà, il l'a dit, hein, c'est l'homme qui n'a pas démérité. Il n'a pas dit qu'il avait réussi, qui n'a pas démérité. Le choix des mots est extraordinairement conséquent, je pense, avec la personnalité de M. Parizeau. Il est très ému. On a toujours vu en M. Parizeau un technocrate froid. Il est au contraire, je pense, à fleur de peau. Il l'a été toute sa vie, mais il a su bien masquer ça. Je pense que ce jour-là... Au moment où on se parle, il pense qu'il va gagner. Ouais. Son sondeur, M. Lepage, lui dit que ça va être serré, mais qu'ils vont gagner. Il ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et il est précautionneux, mais exalté. Il est au rendez-vous de sa vie. Les dés ont été jetés. Il a voté à ce moment-là. Il est en parfaite paix avec lui-même. C'est très difficile de parler de ça parce que ça me rappelle vraiment l'extraordinaire émotion qui était celle du premier ministre, évidemment, mais de son entourage et de nous qui étions aux premières loges. Alors, c'est un bonheur et une damnation dans la vie de quelqu'un de vivre ça parce que j'étais certain, et je ne me suis pas trompé, que jamais je ne serais en face de quelqu'un qui aurait dans l'exercice de nos métiers respectifs, moi, journaliste, lui, premier ministre, donc convaincu que jamais je ne revivrai quelque chose de comparable parce que c'est un pari franchise tellement audacieux. Ouais. Être à visière levée et de tout dire de façon détendue. C'est phénoménal. Plus de jeu. Non. Et c'est pas très long, mais le temps d'embargo, c'est 2 mois, là. C'est ça que vous avez négocié. Oui, je me rappelle plus du détail. Quelques mois, parce qu'on se disait, il faut qu'il ait la marge de manœuvre, et c'était normal, pour qu'il puisse me parler librement, comme il le fait, pour qu'il puisse nous parler. Il ne parlait pas à Stéphane Bureau, je pense qu'il parlait aux Québécois, il parlait aux Canadiens, il parlait à tous ceux qui voudraient un jour documenter ce qui allait se passer. Donc, on avait convenu qu'on ferait le secret absolu. Oui. Ce qui, évidemment, complique un peu les choses compte tenu de ce qu'il nous dit dans cet entretien. Oui, oui, parce qu'il y aura, puis on y revient dans un instant, puis c'est ce fameux, en fait, cette primeur, ce scoop qu'il vous donne et auquel scoop il fait référence au tout début de l'émission, le lendemain de la fête référendaire. J'ai dit à Stéphane Bureau, c'est pas une surprise, j'allais partir. Et ça va être important politiquement, puis le Parti québécois va en jouer de ça. Ça va devenir une arme pour eux. On y revient dans un instant, mais encore sur ce qu'il vous dit, sur cette... C'est fascinant d'entendre ça parce qu'effectivement, je voyais le documentaire. C'est un homme qui ne joue plus aucun jeu politique, qui, je pense, et moi, je sentais une certaine fierté, un certain soulagement à vous dire, qu'il allait partir, on y reviendra. Je vous donne une anecdote, parce que je suis certain que vous ne le savez pas. Moi, je l'ai rapporté une fois ou deux, mais je me rappelle très, très bien, puis c'est une anecdote qui va dans le sens exact de ce que vous dites. Quand il a eu terminé l'entretien une heure après, et on verra les détails qu'on veut aussi révéler aujourd'hui, sur lesquels on veut développer, mais quand il a eu terminé, il s'est mis à chanter comme un enfant. Et c'est pas une blague. Ouais. Il chante. Je l'ai dit à M. Bureau, je l'ai dit à M. Bureau. Alors évidemment, le fait que ça soit moi qui soit nommé dans la comptine n'a aucune importance. Ce que ça démontre... c'est l'extraordinaire libération pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de faux-semblants. Ouais. Il est prêt à assumer toutes les conséquences qui découleront de ce rendez-vous historique. Et son entourage et sa femme sont complètement bluffés et silencieux. Ouais. Et quand on parle d'embargo, nous sommes collectivement, parce que moi j'avais fait signer à mon équipe, évidemment, des clauses de confidentialité. On apprendra quelques minutes plus tard que l'équipe du premier ministre veut en signer une autre couche pour eux-mêmes, parce qu'ils mesurent ce qui a été dit. Mais on est comme dans un mauvais film d'espionnage où on se dit on va tous mourir dans des circonstances plus mystérieuses les unes que les autres au cours des prochains jours, nous qui avons été témoins de ces confessions. Oui. Et la grande confession, puis on y vient tout de suite, on l'écoute, c'est cet aveu, ce moment où il vous dit « Si ça ne marche pas, je vais partir. » Si j'ai pas réussi, moi, à faire ça, ben là, il faut que je m'éclipse assez rapidement. Et puis que quelqu'un d'autre s'asseye. La cause du peuple québécois est bien plus importante que la cause de Parizeau. La cause de Parizeau, il n'y a pas de cause de Parizeau. C'est fondamental. C'est fondamental, ça. C'est donc dire que ce soir, on est à quelques heures du verdict, si d'aventure vous apprenez que le Québec choisit de dire non, vous porterez très rapidement le chapeau, comme vous venez de le dire. Absolument. Absolument. Et il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute dans mon esprit là-dessus. Et vous voyez, depuis quelques semaines, on me disait, et si c'est non, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je disais toujours, de façon un peu facétieuse, allez donc demander si c'est oui à Chrétien ou à Johnson, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au fond, c'est une façon pour moi de me débarrasser de la question. Mm-hmm. Mais on se comprend bien, là, nous sommes à quelques heures du scrutin. Et puis, il y a un embargo sur ce qu'on se dit. Bon, ben moi, je vous le dis clairement, il n'y a pas un doute dans mon esprit que si c'est non... ma phase utile dans ce domaine est terminée. Vous resterez tout de même premier ministre et aux affaires quelque temps? Mais pas longtemps. Vous avez déjà donc choisi de faire votre deuil de la fonction si c'est pas... Mais je vous ai toujours dit, moi, je suis en politique pour faire la souveraineté du Québec. C'est pas nécessairement pour gérer des choses... À l'époque, quand j'étais conseiller économique et financier, moi, de Lesage ou de Daniel Johnson de Père, j'ai sucé tous les sucs du goût du pouvoir et puis de la gestion. Écoutez, j'ai mon âge. On se cramponne pas, c'est ridicule. À mon âge, de se cramponner, c'est complètement ridicule. Si on n'a pas réussi à amener tous ces gens à dire « il nous faut un pays », Eh bien, voilà, on en tire les conclusions. Vous nous disiez il y a quelques minutes, Stéphane Bureau, vous êtes très conscient au moment où vous faites cette entrevue avec Jacques Parizeau du fait que vous vivez quelque chose d'extraordinaire comme Mais journaliste. C'est fou. Ouais. J'écoute ça et je suis... Qu'est-ce qui vous passe par la tête au moment où il vous dit ça? J'ai aucun souvenir. Sincèrement, j'ai aucun souvenir de... Sinon que d'être vigilant et d'être à la hauteur du rendez-vous avec le personnage en face de moi, parce que je veux pas non plus démériter. Je veux que les bonnes questions soient posées. Mais c'est de la dynamite. Il y a un embargo, mais écoutez, vous avez... Mais l'aspect... je suis extraordinairement compétitif. Probablement... comme le sont les sportifs les plus compétitifs. Donc, cet aspect-là, je le conçois. Dans mon fort intérieur, in petto, je me dis, on a quelque chose d'effectivement extraordinaire. Mais comme le dit M. Parizeau, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci du rendez-vous avec l'histoire, mon sort de journaliste, mon scoop, n'a aucune importance. Ouais. C'est la communion, oui. Littéralement, et c'est comme ça que je le vois, et c'est pour ça que je suis ému quand je l'entends, et qui n'a rien à faire, d'ailleurs, parce que souvent, on m'a dit, ben, ça devait témoigner de tes sympathies politiques ou de tes accointances avec Lisée, qui avait été un élève de mon père à la faculté de droit à l'UQAM, que je connais bien, que je connaissais surtout très bien à cette époque. Puis, en fait, Jean-François avait été... Je ne dirais pas un obstacle, mais certainement pas un facilitateur. Mm-hmm. En bon journaliste qu'il avait été dans une autre vie, il comprenait l'enjeu. Mais c'est M. Parizeau qui avait accepté de jouer le jeu avec moi. Et je reviens à votre question. Moi, j'avais envie d'être dans la communion et à la hauteur de la confiance qu'il me faisait, rien d'autre. Cela dit, cette affaire-là, ça va être déterminant politiquement. Ça va être un très, très bon coup pour vous parce qu'il y aura ce discours de la défaite du 30 octobre 1995, cette fameuse déclaration sur laquelle on revient dans un instant. Mais tout ça change la donne. Et le lendemain, l'embargo est levé, ou le soir même, c'est selon. Comme M. Parizeau dit, Stéphane Bureau a tout ça dans une entrevue qui était sous embargo, que j'ai accordée aujourd'hui. Quel impact ça va avoir, cette fameuse déclaration où il annonce qu'il va partir si le résultat est négatif? Quel impact ça va avoir dans les heures qui suivent? On peut spéculer parce que j'étais évidemment pas au nombre des gens qui étaient autour du premier ministre. En fait, ce qui est déterminant et l'accélération, elle se fait après son discours de la soirée, oui. Quand il dit que l'argent et le vote ethnique étaient probablement, sinon essentiellement responsables de ces quelques votes qui lui manquaient. Oui. Évidemment, il est soudainement perçu un peu comme un pestiféré. Je pense qu'on s'agite beaucoup autour de lui. Il y a un conseil des ministres, je ne me rappelle pas vraiment de la séquence, mais je pense qu'il y a un conseil des ministres à Montréal, au bureau du premier ministre à Hydro-Québec, avant qu'il ne rentre à Québec pour annoncer ses intentions, élever l'embargo donc, oui. De notre entretien. Et ce qu'il nous a dit devient essentiel. C'est la clé qui lui permet... Je dirais pas de marcher sur la peinture, parce que j'ai l'impression que jusqu'à sa mort, il n'a jamais désavoué ce qu'il a dit. Donc, à nous de décider s'il doit être jugé pour ça ou non. Mais lui a toujours dit, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais le fait qu'il se soit commis dans l'entrevue la veille, disant, sans l'ombre d'une hésitation, vous l'avez entendu, que s'il perdait, il ne serait pas le premier ministre d'une province... Bien, ça lui permettait cette sortie extraordinairement élégante et où il faisait la preuve que c'était pas parce qu'il faisait, encore une fois, c'est une question de jugement, mais il faisait pas amende honorable. Oui. Il ne se sentait pas obligé de démissionner en raison de ce qu'il avait dit, mais de ce que sa conviction profonde, oui. C'est qu'il ne pouvait plus rien faire pour le Québec. Et ça devient utile politiquement pour le Parti québécois. Jean Royer, à l'époque, vous me corrigerez, mais vous courez, veut que, que cette déclaration soit rendue publique. Là. Dans les minutes qui suivent la déclaration au Salon Rouge, je pense, quand il dit oui. « J'ai, dans une entrevue, déclaré que je ne serais plus premier ministre si on le perdait », Royer, effectivement, qui était le chien de garde ouais. Féroce souvent du premier ministre, m'appelle et me dit, là, on se comprend, là, elle sort la clip, ouais. Celle dans laquelle, dans un exact. Premier temps, il dit qu'il ne sera plus premier ministre, qui est évidemment au bulletin de nouvelles quelques minutes plus tard. et l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire que moi, je suis à ce moment-là condamné à me retirer du monde en confinement à une époque où on aurait trouvé ça facile, c'est-à-dire que pendant 48 heures, je suis confiné à une salle de montage pour essayer de faire un documentaire avec quelque chose qui est bien incomplet, mais autour de cet entretien clé du premier ministre. Documentaire dans lequel, et de mémoire, vous ouvrez ou à peu près le documentaire avec cette fameuse déclaration, parce que ça a tout changé, la dynamique politique change absolument à ce moment-là, quand il a cette déclaration, M. Parizeau, le soir du 30 octobre 1995. C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, au lieu d'être 60 ou 61% à voter oui, on sera 63 ou 64 et ça s'ira. C'est tout. Vous avez lu, vous, les discours, parce qu'il y en a deux, certainement. Hein? Il y en a un pour le oui, puis il y en a un pour le non. Vous les avez lus? J'ai lu celui pour le oui. Il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait terminées. Il veut regarder ça en fin de journée. Il y a des messages aussi qu'il veut envoyer aux Québécois. Alors, il y a des choses qui devront se faire là en fin d'après-midi. Vous savez, souvent, c'est à la dernière minute. Jacques Parizeau, on lui prépare des notes, on lui prépare d'excellents discours, mais en bout de ligne, c'est lui qui met la touche finale, c'est lui qui rend le discours, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va dire. Puis ça va se faire vers 7h, 8h ce soir. N'oubliez jamais les 3/5 de ce que nous sommes ont voté oui. C'était pas tout à fait assez. Mais bientôt, ça sera assez. Notre pays, on l'aura! Merci, mes amis, d'être ici ce soir. Vive l'espoir! Vive le Québec! Ça, c'est assez formidable. Et vous ne l'aviez pas prévu, Stéphane Bureau. On entend Jacques Parizeau le soir du 30 octobre, le discours qu'il prononce finalement. On entend Lisette Lapointe. Ça, vous ne l'aviez pas prévu. Vous lui dites, avez-vous lu les discours? Mais ça a été une... Avec ce qui s'est produit le 30 octobre, avec cette déclaration controversée, ça devient intéressant, cette réponse-là. Complètement. Et j'avais même oublié ces commentaires de Mme Lapointe dans le documentaire qui sont récoltés quelques instants après l'entrevue principale avec M. Parizeau. Il faut voir qu'ils sont un peu tous inquiets. Inquiets de ce qu'il a dit, entre autres, sur sa démission. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils n'ont plus aucune marge de manœuvre, qu'il n'y aura plus de pouvoir si c'est non le soir même. Alors, évidemment, force est de constater que c'était malhabile de la part du premier ministre de déclarer ce qu'il a déclaré ce soir-là. Ça a choqué ses troupes, ça a choqué autour. Mais ça nous ramène ce que Lisette Lapointe dit. Écoutez, c'est Jacques Parizeau, c'est lui qui va décider. Qu'est-ce qui, avec le recul, puis c'est un peu du monopoly, c'est un peu une question monopoly, mais qu'est-ce qui, selon vous, était prévu ou pas dans ce discours, dans cette fameuse déclaration, dans ce fameux discours? J'en ai pas la moindre idée. Certainement de la tristesse teinté le discours ce soir-là. C'est peut-être son émotion qui l'a emporté. C'est très, très rare chez Parizeau que l'émotion l'emporte. Stéphane Bureau, c'était un bonheur de vous recevoir, animateur de l'émission, bien entendu, à ICI Première, de Notes de voyage à ICI Musique, puis on vous entend tout l'été. Merci beaucoup. C'est tellement court pour raconter quelque chose d'aussi bouleversant, vraiment. Mais c'est un beau moment. Et merci de vous être prêté au jeu. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.